de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gumezzo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Une fois par mois, je vous propose le portrait d'animateur bénévole ou salarié. Aujourd'hui, je vous propose de vous pencher sur Drex, du coup à vous de choisir l'angle. Si vous vous penchez sur moi, évitez de me faire tomber. Je n'ai pas un équilibre incroyable. Avant de lancer cet enregistrement, tu as enlevé ton casque. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal avec ton générique. C'est les 1-1. En fait, les gens qui crient, j'ai l'impression qu'ils sortent d'un asile. Ça me met assez mal à l'aise. Ouais, mais elle est vachement célèbre, cette chanson. Célèbre ? Gilou aime bien, en tout cas. Ah, big up Gilou. Tu as été service civique. Bah, déjà, on va commencer par « Salut, comment ça va ?» Salut, comment ça va ? Du coup, comment ça va ? Ça va. Et toi ? Ça va. Tu as été service civique à RGM pendant quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Eh bien, un coup, l'IA m'a interviewé lors de la sortie de mon album Alien. Et j'avais pas de travail. Je vivais dans une ambiance horrible. Voilà. Et du coup, elle m'avait proposé un service civique. Ce que j'ai refusé initialement. Et ensuite, finalement, on s'est reparlé et je lui ai dit « Ouais, vas-y, go !» Un petit « on se lance, quoi !» Et du coup, c'était cool. Ça m'a permis de découvrir une équipe sympathique et puis un métier qui me convenait, ma foi, plutôt pas mal. Et qu'est-ce que t'as fait en tant que service civique ici ? Bah, je caressais les chats, je faisais le café. Très important le café. Non, bah, un peu de technique, quelques petites émissions, mettre en ligne les podcasts des émissions, naninana. Quelques petites chroniques, acerbes et épicées. Tu as fait aussi les génériques, dont le mien. Hey, oui, hey. Quelques jingles, ouais. C'est vrai. Les topaches aussi, je crois. Et ben, c'est vos voix, ou la voix de l'IA, mais ouais, c'est moi qui les avais mixées. En effet. Est-ce que ça t'a permis de connaître certaines choses sur toi, cette petite expérience ? Que on pouvait outrepasser la timidité horrible au moins un petit peu et puis travailler là-dessus, ouais. Est-ce que ça te plaît de travailler en équipe ? Je déteste ça. Non, en vrai, de base, j'aime pas ça. Mais là, on est une petite équipe, on s'entend bien, donc c'est ok. En temps normal, non, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est ça vrai. Fait partie des raisons pour lesquelles j'avais pas de taf à la base, probablement. Donc t'aurais pas pu travailler dans une grosse enseigne de fast-food ? Non, en plus avec la pression. J'avais essayé de postuler, mais il m'a remercié au bout de 5 minutes. Tu préfères manger que travailler McDo ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien et j'aime pas à la fois. Si tu devais résumer l'ambiance ici, tu dirais quoi ? Horrible. Non, cool. Ça dépend, des fois ça peut être tendu parce que tout le monde a du taf et si on est beaucoup, on peut vite être stressé. Mais après ça c'est mon ressenti parce que je suis un peu un ours. Mais non, sinon globalement bonne humeur, on dit des conneries, on dit de la merde tout le temps, c'est rigolo. Un peu enfantine aussi des fois. Ouais, des gros gamins, radio grande maturité. Tu as les connaissances, la sagesse et le savoir d'un moine Shaolin. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus, petit scarabée ? Wow. Alors, non. J'ai écrit ce questionnaire au mois de décembre. En lisant cette question, je me suis dit, pourquoi ? Ouais, peut-être parce que je parlais beaucoup de trucs spirituels. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Moi, je suis très dissocié, donc forcément, ça amène à des perceptions qui n'arrose pas l'esprit de tout le monde, forcément, mais ouais, ok. C'est-à-dire la plupart du temps, moi, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Je suis un peu complètement taré, donc ça me permet de voir la vie, on va dire, par un autre prisme. Je suis dans ma subjectivité, dans une sorte d'objectivité à la fois, vu que je me vois un peu à la troisième personne, en fait. Comme Gérard Depardieu. Ouais, avec autant d'alcool. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes talents de dessinateur, parce que tu adores dessiner sur les tableaux de la salle café? Oh, je dirais pas talent, mais ouais, j'ai toujours aimé. J'ai jamais pu m'empêcher, quand je vois un stylo ou une feuille ou un tableau, de griffonner des conneries dessus. Quand j'étais ado, je faisais des BD. J'avais un personnage de BD, c'était un chat qui fumait des pets. Et j'ai fait peut-être, je sais pas, ouais, 200 pages de ça, avec des histoires farfelues, absurdes, un humour bien noir, bien crado. Tu sais qu'on risque de te demander de l'amener, cette petite BD. Elle existe plus, malheureusement, elle a été jetée dans une poubelle, pas par moi. Ah merde. Voilà. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que tu as choisi, à savoir le Ministère amer avec leur chanson Sacrifice de poulet. Oup, oup. Nous continuerons de faire connaissance avec toi, on vous laisse avec justement le Ministère amer et on se retrouvera juste après sur Radio Gamozo. Mike Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit. Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je saute la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Réparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique au flic. Même dans la foule, je porte de la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail Molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En maître, au CRS chaud qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier ressemble au territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Il y en a qui voltigent, boum, les gars veulent le prestige. La place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au Tout-Puissant mes dernières prières. Mais demande à Dieu de rester vivant. Et j'appelle le diable pour faire couler le sang. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Ce soir la lune est pleine, ce soir je suis en veine. Et tous les groupes j'assène font mal à l'indigène. Et déjà la même scène de Flory à Oni, Bonassi et Fren. Ce soir j'ai la santé. Ouais. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Drex. Alors Drex, tu es rappeur et musicien, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui. Alors, musicien depuis 10 ans à peu près. J'ai commencé par la batterie, j'étais un gros fan de métal, de punk, de tout ça. Et donc, j'ai commencé par la batterie. Après, j'ai touché un peu la guitare, le piano. Et je me suis mis à avoir une bonne grosse frustration de pas trouver des gens avec qui jouer. Et je voulais faire des sons complets. Et en gros, faire de la batterie tout seul, ça servait pas à grand chose, en plus de pas trop pouvoir en faire, parce que ça cassait les oreilles chez moi, pas très tolérant. Et voilà, donc finalement, j'ai commencé à télécharger des logiciels sur ordi pour faire des instrus, et donc j'ai commencé à faire des instrus, ensuite j'ai commencé à écrire dessus, parce que je me suis dit, ça fait un peu vite sans voix. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je rappe, et peut-être 15 ans du coup que je fais de la musique, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Tu dis que tu as fait du métal, mais en tant que batteur, mais ça doit aller super vite, c'est super physique, non? Ouais, ça dépend, tu peux t'économiser, en fait, il y a des moyens de s'économiser sans trop taper comme un taré, mais ouais, c'est vrai que sur l'endurance, tu peux vite te muscler, vu que je faisais pas de concert, j'avais pas l'obligation de jouer longtemps, vite. Mais ouais, il y a des petites performances, c'est cool. Après, j'aime beaucoup, beaucoup de styles de drums, de batterie, de rythme. Ça va du métal jusqu'au jazz, hip-hop. J'aime beaucoup, j'aime plein de rythmes, en fait. Je suis très, très rythmique comme garçon. Ah, t'es très éclectique, comme chez nous à Radio Gemozo, donc c'est pour ça que tu es là aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le rap et le hip-hop. C'est quoi la différence entre le rap et le slam ? Oh, alors, dans le slam, il n'y a aucun flow. Le slam, en fait, pour faire mon connard, je dirais que c'est pour les gens qui n'ont pas le sens du rythme. C'est-à-dire que c'est les gens, ils savent écrire, mais ils n'ont pas le sens du rythme, alors ils vont parler sur la prod. Après, ça peut être aussi une volonté de faire de la poésie, sans forcément se faire chier avec le rythme, ou je sais pas. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a du rythme, enfin, ça défile quand même d'une manière. Non, en fait, il y a un certain nombre de syllabes, ce qui fait que t'as l'impression que ça revient à peu près tout le temps pareil, mais, en soi, comparé au rap, non, il y a aucune rythmique, aucun flow, en fait. Et ça, c'est la différence principale. Peut-être que le slam sera souvent plus poétique, plus recherché dans le vocabulaire que la plupart du rap qu'on va entendre, même s'il y a du rap très poétique. Et voilà, je pense que c'est surtout une question de rythme et de flow, la principale différence. Et de sensibilité aussi, peut-être. Sensibilité, non. Non, je pense que tu peux avoir des... Non, je pense pas. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le rap ? Ce qui me plaît le plus dans le rap, c'est rimer. J'adore rimer. C'est les prods, parce que ça fait bouger la tête. Et y a un côté hypnotisant dans les boucles. J'aime mettre de l'énergie avec ma voix et tester plusieurs intonations, triper avec justement le flow, la rythmique. C'est tout ça, en fait. Et puis, dénoncer, pouvoir le côté aussi exutoire, le côté tu lâches un peu ta colère, ta haine, tout ça, quoi. On parlait à un moment, je t'avais posé quelques questions, à savoir comment tu fais pour que ça rime, pour qu'il y ait un certain rythme et tout, parce que ça doit pas être facile. Ça se travaille. Imaginons... Non, je vais pas donner d'exemple, ça va être chiant. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu travailles ta rime, ça vient presque tout seul. C'est-à-dire, des fois, je suis en train d'écrire, et je vais bloquer sur une rime, et dès que je vais arrêter d'écrire, j'en ai plein qui vont me venir en tête parce que j'y ai tellement pensé qu'en fait au quotidien j'ai tout le temps des rimes qui me viennent, des jeux de mots, des machins, et ça se travaille, je pense. Après, niveau des placements, c'est un mélange entre ressenti du rythme et compter. Tu peux compter aussi pour bien t'y retrouver avec les syllabes et tout. Est-ce qu'une instru, ça peut t'inspirer un texte ou pas? Ouais, carrément. Une instru, elle diffuse une émotion, une mood. C'est-à-dire que tu vas pas... Enfin, tu peux. Et d'ailleurs, des fois, ça fait un contraste sympa. Gratter un truc triste sur une instru joyeuse, ça peut faire un truc un peu bizarre des fois, mais en général, les notes, les accords, la musique derrière la prod va t'inspirer telle ou telle émotion qui va plus ou moins t'aider à partir sur telle ou telle pensée, justement. Et c'est qui ton rappeur préféré ? J'ai pas de rappeur préféré, j'en aime trop. Mais je dirais que mes influences principales, ça va être Underachievers, un groupe de ricains, un groupe de New York, Joey Badass, Flatbush Zombies, beaucoup de choses. Je pense que mes influences aussi se limitent vraiment pas au rap. J'aime énormément de choses, beaucoup de punk, de post-punk, même de rock indie, crumb, tout ça. J'ai vraiment énormément d'influences qui font que du coup, je me cantonne pas au rap, purement. Et de quoi tu t'inspires pour écrire tes textes ? Du vécu, des rêves, des illusions de perception, du formatage sociétal, et ouais, les émotions, le ressenti de certaines choses, etc. quoi. Et tu mets combien de temps pour écrire un texte à peu près ? Alors ça dépend. Si c'est de l'ego trip, bon, pour ceux qui savent pas, ego trip, c'est quand tu... En gros, c'est des textes où tu dis que c'est toi le meilleur, mais de plusieurs façons possibles, de toutes les meilleures façons possibles, en faisant des jeux de mots, etc. C'est vraiment un exercice de style propre au rap, j'ai envie de dire. Sur de l'ego trip, ouais, ça va être entre 20 et 30 minutes pour un couplet. Pour un morceau plus profond, on sera sur du 2 ou 3 heures, je pense. Ah ouais, quand même. Parce que je vais vraiment réfléchir à fond sur chaque rime, sur chaque manière de tourner les choses. Et moins au flow, pour le coup. Et comment tu mets ça en musique ? Naturellement. C'est naturel. Je sais pas comment expliquer, mais je ressens le truc, en fait. Et j'ai tout dans la tête au moment où je le fais. Et t'abordes quoi comme sujet dans tes textes ? Beaucoup de choses. La drogue, les complots. Comme je disais, les perceptions. La liberté, le fait que qu'on soit dans une époque en fait où les gens sont de plus en plus déconnectés de leur âme et de leur être profond, et puis moi, ma frustration d'être tel que je suis dans un monde dans lequel finalement j'ai l'impression de pas me retrouver, quoi. T'en penses quoi des gens qui rappent sur l'actu ? Ça dépend quelle actu, mais il y a un risque avec ça. Ça peut m'arriver de le faire, en fait, même assez souvent. Dès que je suis pris dans des émotions, par exemple avec le Covid et tout, presque tout l'album Alien, je parle du Covid, en fait. Et sur le moment, c'est bien, parce que t'as des revendications, c'est cool. Mais finalement, faire un album avec ça, tu sais qu'au bout d'un moment, ça va saouler les gens, et tu sais que c'est pas intemporel. Maintenant, j'essaie beaucoup plus de faire des sons intemporels. C'est pour ça que c'est ça le problème avec les sons d'actualité. C'est que ça va sur le moment, et tu réécoutes, c'est vite daté, en fait, c'est vite passé. Donc faut essayer de rapper sur l'actu, tout en rendant le truc plus global pour que ça passe à toute époque. C'est quoi qui fonctionne le plus dans le rap, selon toi? Les instrus de merde. Non, ce qui marche le plus, ça va être tout simplement ce que les gens ont déjà saigné, ont déjà écouté à mort. Et ce qui vend, en fait, ce qui marche le plus, c'est ce qui vend le plus, parce que c'est une boucle, parce que les gens en général se font pas trop chier à chercher des nouveaux trucs, parce qu'on leur met des trucs dans les oreilles et ils sont pas forcément tous fans de musique au point d'aller passer des heures à chercher des nouveaux artistes, des nouvelles trucs, et puis voilà, quoi. En fait, ce qui marche le plus, c'est juste ce qu'on fait marcher le plus. T'en penses quoi de Eminem et Tupac? Tupac, bizarrement, je suis pas grand fan. J'ai jamais trop écouté. C'est vraiment pas ma came. Eminem, j'ai eu une grosse période où j'étais fan. J'ai un pote qui est sur fan, Big Up Mick. Et Eminem, c'est incontestable que c'est un putain de rappeur. D'ailleurs, Tupac aussi, hein. Mais bon, c'est pas ce que j'écoute. Les deux, c'est pas ce que j'écoute. Mais Big Up, respect. Eminem, il a un sacré débit. Hein. Eminem, ouais. Si tout était possible, avec qui tu aimerais faire un featuring et pourquoi ? Oh, Bah, Underachievers, Flatbush Zombies, parce que c'est une grande inspiration, une grande influence pour moi, et ça pourrait être vraiment classe. C'est qui le fond du crew ? C'est pas toi ? Non, ça aurait, moi, ça aurait été le fond du trou. Eh ben, le fond du crew, c'est Miags, DJ Levaux et moi-même. Ça fait 5 ans qu'on existe. On a eu plusieurs formations. À la base, on était 4 rappeurs et un mec à la MPC qui nous mettait les prods. Et puis maintenant, on a une construction un peu plus solide. On va être genre juste 2 rappeurs et un DJ. Ça marche très bien comme ça. Et maintenant, c'est ça le fond du crew. Et puis le fond du crew, c'est aussi on aime bien penser que maintenant c'est aussi un peu une idéologie en fait, un mode de vie de comment on dit, tu sais, ceux qui aiment bien des bons vivants quoi. Et est-ce que vous écrivez des textes ensemble du coup? Avec Miags, ouais, ça nous arrive, surtout quand on doit faire des passe-passe, etc. On va écrire des textes ensemble et souvent aussi chacun de notre côté, puis se retrouver au studio, enregistrer ça. Et par la suite, si l'un a quelque chose à dire sur le texte de l'autre, on peut s'écouter et modifier selon quoi. Et justement, ça se passe comment un enregistrement dans un studio ? Alors dans notre studio, c'est moi qui fais l'ingé son. Donc bah j'ai ma prod, je fais mes prods, je la mets sur l'ordi dans le logiciel. Ensuite on boit un coup pour se détendre. On se met 2-3 fois la prod dans la tête, on rappe un petit peu, voilà. Et après on va dans la cabine enregistrer en 1, en 2, en 3 fois pour être sûr que ce soit bon, que ce soit la bonne énergie, que voilà. Est-ce que parfois il y a des textes que t'écris, tu dis « ouais, c'est vachement bien », puis une fois que tu les enregistres, tu dis « ah bah non, en fait, c'est nul ». Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, si je me dis que c'est bien et c'est encore mieux quand je l'enregistre. Par contre, des fois, je vais me dire « c'est de la merde » et en fait, c'est bien. Ça sonne putain de narcissique. Est-ce que c'est toi le leader du fond du crew ? Il n'y a pas de leader, on est tous égaux dans le fond du crew. Ouais, c'est comme à Radio Gamozo, c'est avant tout un travail d'équipe. Ouais. Du coup, vous avez fait combien de concerts depuis qu'il existe le groupe ? Wow, je sais pas, entre 30 et 40. Ah ouais? Ouais. Mais surtout dans des bars. Beaucoup, beaucoup de bars, des petits événements, des petits machins. Chez des potes aussi, des fois. Pour des trucs privés, anniversaires, etc. Mariage, enterrement. Non, je rigole. Enterrement, ça serait tellement glauque. Du coup, dans ton enterrement. Tu t'es produit dans une cave dernièrement, je crois. Ah, c'était la cave de chez Angèle, ma copine. Ouais, c'était pour son anniversaire, c'était rigolo. Il y avait l'air d'avoir pas mal de monde, d'après ce que j'ai vu, d'après les réels que l'IA a publiés sur la page. Ouais, une bonne quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes complètement bourrées, c'était rigolo. Ça se passe comment, un concert du fond du crew ? Un concert du fond du crew ? Eh bah, t'as DJ Levaux qui balance l'intro, nous on arrive, on fait du son, enfin, ça monte crescendo. On commence tranquillement et puis petit à petit, il y a un climax à atteindre sur les 15-20 derniers pourcents du temps de set où vraiment ça va être très très chaud en fait. Et le dernier son, c'est l'apogée, on fout la merde. Le son s'appelle Foutre la merde et ça jump au maximum. Est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène, genre jeter du gros sel au-dessus de ta tête? En général, ouais, je tue des chatons, je bois leur sang. Non, j'ai pas de rituel, je suis très très calme. On a tous notre façon d'être avant le concert. Moi, je suis très très calme. Je bois quelques bières, en faisant attention de pas trop boire, en surveillant mon articulation. Je suis très très calme, de plus en plus calme jusqu'au moment où ça vient. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, je suis plutôt stressé. Quoique, dernièrement, ça allait. Par contre, mon compère Miyagi, lui, plus il faut attendre et plus le moment du concert se rapproche, plus tu le vois tourner en rond, faire des allers-retours, les 100 pas avec un regard de tueur en mode putain, j'en peux plus. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de rituel. Qui est Drexe ? Drex ? Ou Rexeud ? Rexeud. Les deux. Rexeud, c'est le rappeur. Drex, c'est moi dans la vie quotidienne. Louis, c'est l'enfant. Et Rexeud, c'est le rappeur, c'est l'ego, c'est celui qui a confiance en ses talents de rappeur et qui a envie de montrer au monde sa haine. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, finalement. Ah, il y a un délire comme ça, ouais. Pourquoi ce nom, ça t'est venu comment, ça? Alors, à la base, c'était Anna Drex, quand je faisais du dubstep et de la drum and bass. Et Anna Drex, parce que c'était un médicament utilisé pour fabriquer de la méthamphétamine. Et vu que je suis fan de Breaking Bad, c'était bien kiffant pour moi. Mais vu que Anna Drex, personne disait Anna Drex, tout le monde m'appelait Drex, du coup. Donc c'est resté Drex. Mais Drex, après, pour mettre mon son sur les plateformes, j'ai vu qu'il y avait d'autres Drex. Et que mes sons, ils atterrissaient dans le répertoire d'un autre Drex. Et ça m'a cassé les couilles, donc j'ai fait Drex, ok. Xedré, bon. Et puis j'avais un pote, il m'appelait tout le temps Rexed. Pour rigoler, tu vois. Et parce qu'il aime bien faire du double verlan. Du coup, j'ai dit, vas-y, Rexed. Bah, tu me dis Anna Drex, ça fait plutôt marque de tampon hygiénique. Ouais, et d'ailleurs, parce qu'au début c'était André X aussi, au début que j'ai commencé le rap, j'ai enlevé le A de Anna Drex, ça fait André, parce qu'André c'est mon deuxième prénom, blablabla. Et on m'avait envoyé une image, c'est, en Angleterre, t'as des rouleaux de PQ, une marque de PQ, c'est André X. J'ai dit, ok, non, faut que je change de blase, là. Les gens vont se torcher le cul avec mon rap. Tu as sorti des albums solo, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus ? Ouais, bah j'ai sorti des albums solo, en effet, deux albums solo, deux EP et deux mixtapes sur YouTube et SoundCloud. Et puis, c'est un processus assez long pour moi en général parce que j'attends de vivre des choses en fait. Je veux pas être juste productif pour être productif, donc j'attends toujours d'avoir de nouvelles choses à raconter, sinon ça sert à rien, et sinon on tourne en rond. Mais ouais, c'est ça. Et c'est quoi un EP, un mixtape ? Alors, un album, ça va être vraiment un projet complet avec une cohérence entre les morceaux, un thème même d'album. Un EP, on va dire que ce sera un peu la même chose, mais court. En général, 30 minutes maximum. Et une mixtape, c'est plus, on va dire... une compile de morceaux qui n'ont pas vraiment grand chose à voir entre eux, mais une compile de morceaux, c'est ça. Nous allons faire deux pauses musicales avec un son que tu as choisi et une chanson mystère. On se retrouvera juste après sur le 107. Home. I make a list of everything I own and write it.

en langue française. Du coup, gargantuesque, équilatéral, mixage, chelou et macadam. Chelou, il a rien à foutre là-dedans. Chercher l'intrus. C'est ça, fallait trouver l'intrus ? Non. Du coup, tu vas nous faire un petit freestyle là-dessus. C'est mort. Je suis trop nul en impro, je peux pas faire d'impro, je suis désolé. Oh, dommage, tout misé là-dessus. Je peux faire un freestyle, mais pas là-dessus. Du coup, qu'est-ce que tu penses du cannibalisme ? J'adore, je le pratique régulièrement. Et toi, Lia, qu'est-ce que tu penses de l'équilatéral ? Eh bien, c'est un peu trop anguleux pour moi. Cette émission n'a aucun sens. C'est bête que Marjo ne peut pas participer à cette émission, sinon je lui aurais demandé la définition de beauf. Drex. Ah ouais. Ok, merci, je note. Ça tire à balles réelles. Ça me fait plaisir. Non, je rigole. Elle rigole, mais en fait, elle dit non derrière. Et je suis benonnant et j'aime bien boire des bières et faire des blagues de cul. Mais ça veut pas dire que je suis un beauf. Tu animes une émission qui s'appelle La Connex de Drex, dans laquelle tu insères des chroniques. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Eh ben, les Connex de Drex, à la base, je faisais venir des potes, mais j'en ai pas assez du coup pour continuer là-dessus. Donc maintenant, je fais venir toutes sortes de personnes, des gens qui font des trucs. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire une émission qui s'appelle Des gens qui font des trucs. Mais je vois l'IA qui fait un hochement de tête, qui approuve ce que je suis en train de dire. Moi, j'aime bien ses idées. Elle aime mes idées, dit-elle avec une voix chaleureuse et sensuelle. L'odeur du son. J'ai surtout la voix enrouée, mais bon, pas de souci. L'odeur du son ou l'odeur du sang, pour du coup ? L'odeur du fion. C'était sûr. Je vais vraiment faire une émission là-dessus. Et tes chroniques, alors ? Mes chroniques ? Bah, j'aime bien parler de choses... En fait, j'ai deux types de chroniques. Il y a la chronique décomplexée où... Je peux parler de tout et de rien de manière désinvolte et cynique. Et la chronique R qui va, qui est la nouvelle, où vraiment c'est du coup de gueule assez trash, où je me permets de dire énormément de gros mots et être très haineux. Toi, dire des gros mots, ça te ressemble pas pourtant. Ah non, je suis pas ce genre de saloperie d'enculé. Avec Lia, vous êtes assez perché entre guillemets niveau spiritualité. Est-ce que vous pourriez faire une émission tous les deux là-dessus ? C'est vrai que ça pourrait se réfléchir, ouais. Pourquoi pas ? Peut-être un futur projet à venir. Ouais. On appellera ça comment ? Croûte au cul. Génial. L'envers du décor. Ça part complètement en cacahuète, cette interview. Tu as reçu qui en tant que service civique et animateur salarié ? Du coup, tout ? Bah, ça va être rapide. Je rigole. Ah ouais ? Ok. Lia est en train de dire que je suis un wanler. Comme disait son ex, ça va être rapide. On n'en parle pas de lui. Non, j'avais pas d'ex en plus. À part quelques bisous. Oh, c'est beau. Oh, c'est choukinet. C'est mignon, hein. Allô, fais-nous une liste non exhaustive. Je sais pas, je vais peut-être en oublier. Mais il y avait Cover One, un pote graffeur. Il y avait La Broussette, un copain qui tient un shop de CBD. Il y avait Al Blunty. Obsession. Obsession. Voilà, c'est mieux que moi ce que je fais. Il y avait Jade. Jade, synesthète. Il y avait Ben. Ben, le rebouteux. Et putain. En service civique, t'avais pas fait grand chose, non ? Tu te calmes. Non, mais point de vue émission, parce que on l'appelait le soigneur de son quand il est arrivé, on était tellement captivés. Tu vois qu'il y a des bénévoles qui refusent de travailler maintenant avec le reste de l'équipe et qui nous ont carrément kidnappé notre Drex national. Et maintenant, je suis en contrat, ils se disent merde, putain, pourquoi on a pris ce branleur ? Quelques mots sur Hélène, notre animatrice bénévole. Gros bisous, Hélène. Je sais que je conviens parfaitement à tes attentes. Du coup, elle a largué l'IA pour toi, quoi. Bien sûr. Mais tu sais, c'est comme ça, la vie. Chante deuil, hein. Bisous, Hélène. Quelques mots sur Michel. Chalmi. Voilà. Voilà. Voilà. Le petit montage de Vincent. Eh ben, Vincent... très très bonne qualité sonore. Voilà, et émission courte, concise. Pertinente. Pertinente, c'est parfait, voilà. Qui t'a eu le plus plaisir de recevoir ici? Oh, on a oublié DJ autre chose. Il y avait c'était DJ incroyable. Autre chose, c'était super cool. Pas Didier, hein, DJ. J'ai pas envie de... Il y avait de... une live session, c'était cool. Ah ouais, J'ai pas envie de faire de favoritisme, tu vois. C'était cool avec tout le monde. Est-ce que tu as prévu de recevoir d'autres personnes prochainement? Non. Je pense démissionner d'ici 2-3 heures, là. Je finis quand même la journée, puis voilà, je me pète après. Définitivement. Ouais, tu dis ça, mais... on te manquerait. Sûrement pas. Du coup, en parlant de live session, quel beau accent anglais, n'est-il pas? Il paraît que tu vas peut-être participer à un petit événement qu'on mettra en place prochainement, c'est ça? Ouais, on va essayer d'organiser un truc bientôt où on va faire un concert du fond du crew. Il y aura peut-être un concert du copain Al Blunty, de Mike Smoka, André Maurice, faut qu'il arrête de changer de blaze. Ouais, j'avoue. Et puis voilà, peut-être Gomard, ouais, Gomard, une rappeuse du coin très prometteuse. Et voilà, ouais, ça peut être cool. On se fait un petit set de 2-3 heures tous ensemble. Voilà, version audio, concert audio, quoi. C'est quoi l'actu du fond du crew? L'actu du fond du crew, on joue le 7 mai au Ptiot, le petit bar à Armiremont. Sinon, niveau côté asso, on organise un festival de hip-hop le 2 septembre à Saint-Amé, où il y aura l'usine, où Mokless est le parrain de l'événement, il y aura tout plein de rappeurs locaux, il y aura des graffeurs, il y aura des danseurs, ça va être super cool, il y aura de la bonne bière, de la golaille. Voilà, venez vous bourrer la gueule en écoutant du bon rap. Du coup, en danse, est-ce que tu envisages de mettre un tutu sur scène? Un tutu, non. Ah ouais. Mais peut-être un bandana autour de mes couilles. C'est vrai que c'est... Voilà. On peut pas se passer de ce petit détail accessoire à mode. J'aimerais que vous imaginiez bien la scène. Oui, bah c'est bon, merci. Être comprimé au niveau de cette partie, je suis pas un homme, mais ça doit être assez embêtant quand même. Non, c'est plutôt un plaisir. Oh, allez, on passe dans le SM là. Et toi, Lia, qu'est-ce que tu aurais à dire sur Drex? Sur les couilles de Drex. Pour finir ce petit portrait. Ça dépend, il faut que je lui passe de la pommade ou pas? Oh non, sois franche. Sûrement pas, personne me touche. Non, mais c'est un petit gars super sympa, qui a une connexion très spirituelle des choses, qui m'a tout de suite beaucoup plu, et avec qui on peut parler de tout et de rien, qui est quand même plutôt très à l'aise dans son job, même si ça n'a pas été gagné tout de suite, point de vue des émissions, parce qu'en fait, il faut savoir que avant qu'il soit service civique, j'avais un autre service civique qui s'appelait Jean, mais à sa place, je voulais déjà prendre Drex, mais il s'était un petit peu débiné, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Il avait fait, ouais, c'est quoi le service civique? Alors, tu feras ça, ça et des émissions. Ouais, non, là, je suis pas trop sûre, en fait. J'ai vraiment un problème avec l'autorité. Et du coup, il était déjà là, au sein de la radio avec la Big Antenne. Je sais pas si vous en avez parlé. Oui. Mais bon, je pensais que c'était un peu easy pour lui d'être derrière le micro. Ça me semblait un peu naturel, mais non, finalement. Pas du tout. Et en fait, bah, ça s'est super bien passé. Alors oui, quand je lui ai redemandé d'être service civique, il m'a dit « Ouais, j'ai un problème avec l'autorité. » Il m'a fait un gros fuck. Je me suis dit « Putain, on est dans la merde. C'est trop tard, je lui ai déjà fait la proposition. Va falloir assumer. » Et puis en fait, j'ai pas regretté du tout. Et voilà. Si maintenant, tu regrettes? Non, toujours pas. J'aime J'attends bien que tu dévoiles ton plein potentiel. J'aime bien quand tu mytho comme ça en émission. Ah non, je te mytho pas. Il y a une ambiance un peu agitée des fois entre vous deux, à vous balancer des trucs. Ça va mieux là. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais, on prend du Prozac, ça va mieux là. Ça me manque. Xanax. Ça me manque de vous voir vous agiter. Tu dis pas toujours ça. Hein. Alors, on n'a pas parlé de la Big Antenne, je crois. Est-ce que tu aurais des trucs à nous raconter là-dessus? Il y a pas mal d'anecdotes, je pense. Alors, la Big Antenne, c'est ancien membre du fond du crew Big V, qui faisait une émission ici une fois par mois, il me semble, des grosses émissions en live de entre 2 et 4 heures. Il y avait en général le fond du crew, il y avait des invités en tout genre, souvent liés au hip-hop. On écoutait beaucoup de rap, du rap indépendant que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. On disait de la grosse merde. des grosses conneries. C'était vraiment radio libre à son plein potentiel. Il y avait des freestyles, il y avait des sessions DJ. On buvait comme des trous en dégommant du saucisson et du fromage et en fumant des joints. Ouais. Et c'était incroyable. Ils ont laissé des traces sur la table, à jamais, dans la coupe de diverses substances des taches. Saucisson. Et d'ailleurs, un coup, Marion, donc notre ancienne secrétaire, avait retrouvé son bureau complètement défait. Saccagé. Voilà, et Marcus avait dit qu'en fait, il y avait un mec qui venait de rompre avec sa meuf, qui avait fait un gros bad et qui était allé se bourrer la gueule au-dessus. Il avait tout retourné, du coup, ils étaient retrouvés à plusieurs là-haut. Et c'était, voilà. Ah ouais, putain, ça, je me souviens pas. Incroyable. Ils étaient forts, les gars. Ils passaient en live sans appuyer sur les curseurs pour lancer le direct. Et puis, ils savaient plus trop ce qui se passait. Mais... Ouais, t'étais souvent là pour nous épauler, je crois. Au début, après, Marc avait repris le relais. Et c'était lui déjà qui s'occupait de vous avant. Mais ouais, au début, j'ai bien rigolé. Hein. Oh putain. Marcus, il nous apportait des bouteilles de rhum et il venait se déchirer avec nous. C'était cool. Big up, Marcus. Big up. On rappelle à nos auditeurs qu'il faut boire avec modération. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut te retrouver sur internet et les réseaux sociaux en tant qu'artiste solo et membre du Fond du Crew? Yes, il y a la page Fond du Crew sur Instagram, il y a Rexeud Rexeud pour mon profil perso sur Instagram aussi. Facebook, il y a la page Rexeud. Sur YouTube, tu tapes Rexeud, il y a tous mes sons, il y a MC Connexion pour le plus global. Sinon, sur les plateformes de streaming, hein, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, mes couilles. Tu peux acheter son album aussi, enfin, son... Oui, tu peux albums. Commander mon album en physique aussi sur le site internet mcconnectionshop.fr. Voilà. Mais on est en train de leur taper le site, là. Cool. Ce sera un autre site bien mieux et plus agréable à regarder. Puis on a oublié ta principale invitée, celle que tu as préférée inviter. L'IA. J'ai dit que je faisais pas de favoritisme. Ah merde. Mais je pense que t'étais la pire. Oh non, c'est faux. Ah, t'as sorti un album, le dernier qui s'appelle 22, sorti le 22-02, je crois, à 22h22. Non. Et qui fait 22 minutes. Ouais. Alors ouais, je l'ai sorti le 22-02-2022. Non, c'était pas le 22-11. C'était le 22-11. Ah. Ah putain, tu m'induis en erreur. C'était pour voir si tu suivais. 22-11-22. Je ne suis rien du tout. Oui. Ouais, c'était le 22-11. Putain, je sais même plus moi-même, quoi. 22-11-2022. Qui dure 22 minutes. J'aurais voulu le sortir à 22h22, mais c'était pas possible. C'est forcément à minuit. Et 22, parce que 22, c'est ma numérologie. C'est un maître nombre. Le nombre des guides. À skip. Et du coup, voilà, c'est un univers mêlant culpabilité, spiritualité, schizophrénie latente. Dont un des sons a été clippé en partie ici, Bye Bye. Ouais, Bye Bye, disponible sur YouTube si vous voulez voir le clip, sur le balcon et dans le studio, ainsi qu'avec des chandelles. À vélo. À vélo, exact, à vélo, ouais. En fait, je suis sa première fan d'a capté. Et tu as lâché tes cheveux aussi. Ouais, ça c'était pour le schlag. C'est parce princesse réponse un peu, non? Il y a une partie, il y a une partie schlag dans le clip. Il y a vraiment une alternance entre mon côté qui va essayer entre guillemets d'être propre sur lui et le côté le plus schlag de ma personne avec les cheveux crades et détachés, un gros big tasty et. Et une putain de bière de clochard. Oh, c'est tapé un bon délire avec ton burger, là, quand on t'a vu croquer dedans. Ouais. Ouais. Ah oui, t'as vu les rushs, toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en tant qu'animateur salarié, en tant qu'artiste? Alors, en tant qu'animateur, ici, réussir à trouver plus de gens pour les émissions et maintenir un rythme, chose avec laquelle j'ai le plus de mal. Sinon, continuer à maintenir cette bonne entente dans l'équipe. En tant que rappeur, continuer d'évoluer, mais ça, j'en doute pas. En toute modestie, bien en sûr. En toute modestie, bien sûr. Continuer d'évoluer avec le crew, s'expandre en France, aller faire des scènes un peu partout, pourquoi pas aussi en Belgique, Et puis ouais, continuer de faire les choses de plus en plus carrées, continuer de répandre cette énergie, cette envie de foutre la merde et de se réveiller aussi. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi dans 10 ans ? Va te faire enculer, fils de pute. C'était sûr, ça. Il va être ravi. On lui fera réécouter la bande dans 10 ans. Et celui qui devait 10 ans en arrière. Oh wow. Eh ben, prends-en de la graine, gamin. Tout va bien se passer. Il est vachement plus poli avec son passé, quand même, tu remarques. Ouais, vous avez parlé de la playlist hip-hop qui passe tous les vendredis ? Non, pas encore. Eh oui, tous les vendredis à 20h, playlist hip-hop choisie par moi-même avec beaucoup de rap indépendant, beaucoup de rap ricain, parce que c'est ce que j'écoute et c'est ce que je kiffe. Et quelques petits rap français quand même, mais ouais, tous les vendredis à 20h, c'est le rendez-vous hip-hop. Bah, je vais négocier avec l'IA pour faire un rendez-vous de 2 heures. Grave, ouais, c'est bon, c'est acté. Bah, nous, on attend de recevoir Eminem et puis MC Solar à la grande joie de Carlos. Carlos, hein, oh, ouais, Carlos. Oh, ça pourrait être lourdax. Hein. Eminem, je sais pas s'il fait encore des sons là. Il a un peu. Si, il fait toujours orgueil. Des trucs lui. Non, ah bon non, non. Bah, dis ça à Mick, toi. Dis ça à Mick que Eminem est hors game. Pardon. Ah, mais moi, j'adore Eminem. Mais ouais. Je pensais qu'il faisait pas trop de carrément. Ouais. Ah non, je te jure, j'adore. Un des rappeurs les plus rapides, qui débite le plus rapidement au monde. Un des rappeurs les plus rapides. Et j'ai plus, c'était qui l'autre? MC Solar. Mais attention, ouais. Rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. C'est vrai, mais c'est balèze quand même. C'est vrai. Avant de clôturer cette émission, je voulais vous montrer mes talents de beatbox. Oula. Je voulais vous montrer ma. Ouais. Ok, vas-y. Attention, vas-y. C'est parti, les oreilles vont saigner. Attends, faut que je reste sérieux. J'arrive pas à être. Michael Waxon. Ça va pas? Ça va dans le bêtisier. Attends, il y avait un mec à l'open mic la dernière fois, il faisait il était bon quand même. Il faisait un peu ça. Ah, t'étais parti, toi? Je crois que j'étais parti me ressourcer avec une bière. Oui. Je sais très bien. Je sais très bien faire la guitare électrique, mais avec la chance que j'ai, ça va pas marcher. On dirait plus espèce d'hippocampe. Ah bon, c'est terrestre. Ça fait des bruits, les hippocampes? Bah, si c'était un qui vivait sur la Terre, peut-être ça ferait ce bruit-là. Ouais. Et quel cri pousse un muet? Tu crois? Un truc dans le genre, peut-être? Bah non, du coup. Je suis pas sûr, hein. S'il y a pas de corde vocale. Bah, l'avantage, c'est que si tu te mets en couple avec quelqu'un qui peut pas parler, c'est que t'as toujours le dernier mot. Tatam. Et ouais, puis sais au moins, pas, il casse pas les couilles avec ses histoires. On sait pas. Donc, auditeur, on va mettre fin à ce supplice et mettre fin à cette émission. T'as passé un de ces sons, j'espère? Même pas. Même pas. C'est quoi ? Mais c'est quoi cette mais histoire? Mais comment ça là ? Mais sors-nous ça tout de suite ? Ah mince ! Ah bah ouais, attends, on peut pas manquer ça. Ah, y en a une que j'adore, attends. Ah, la fouteuse. Moment, mon anxiété dépasse le seuil de tolérance. Le fil de ma pensée manque souvent de cohérence. Je comble les vides, je fume, je bois, je fais trop de dépenses. Je m'éloigne des hautes fréquences, des trous dans mon oral, l'ego s'expand. Des trucs s'accrochent et la conscience ça me nuise. Je me sens plus proche de moi-même quand je me balade de nuit. Puis mes traumas me nuisent. Oui, c'est trop tard, je puis dans le froid, mais dans le dark je prie. Je suis dans mon art, j'oublie. Envie de repartir à zéro dans une autre vie. Je suis pas là pour rien, je m'en rappelle pas, mais je l'ai choisi. Je suis pas sur le bon chemin, je voulais être un rocker. Mais bon, j'en suis pas loin, rappeur punk au grand cœur. Je suis pas d'accord avec le rap qui marche et ses suites d'accord. Producteur, c'était mal à la taille du rap, pas de panique à bord. J'aime pas ces gens qui croient tout connaître, prennent pour Akinator. Fuck ton marketing bâtard, j'encule tes principes à mort. J'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va. Pour gratter, c'est pas qui tape ma gueule. Eh, tu sais quoi? Mais tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. Eh, hey, mais j'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va, pour gratter ces pages qui tapent, ma gueule. Eh, hey, tu sais quoi, oui, tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. Je peux parler de cette anxiété qui me pète le bide, c'est triste, mais j'ai l'impression qu'elle me guide, qu'elle me guide. Je me téléporter dans la dimension où je reste clean, après soir et fond du crew, c'est scène de crime. Je rappe sur tout, mais je préfère sur une bête de bite. T'as pas tout lâché si à la fin t'as pas la couleur de l'écrevisse. J'en ai vraiment rien à branler que la putain de reine se tire. Je pense que c'est pas méchant de dire qu'en enfer elle peut cuire. Rexud, 22 raisons de m'écouter. Je suis dégoûté du monde, sauf quand c'est l'heure du goûter. J'ai tout fait pour éviter d'être étouffé, mais j'ai loupé. L'éviter puis résister, j'ai décidé d'exister dans la triche et la facilité. Paradis artificiel, mon esprit en captivité. C'est le manque d'activité, m'habilite à me diviser. Dire être en culpabilité, y'a très peu de probabilité que je retrouve une stabilité. Pas finir par m'imiter. J'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va, pour gratter ces pages qui tapent, ma gueule. Eh, tu sais quoi, oui, tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. Eh, mais j'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va, pour gratter ces pages qui tapent, ma gueule. Eh, tu sais quoi, oui, tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. J'ai soif, même quand j'ai pas soif. En fait, j'ai souvent pas soif. Il faut juste que j'assoie les ruminations. Merde, donc j'arrête pas de boire. Tu sais que c'est grave la voix. Putain, je veux pas revoir mes publications FB. D'ailleurs, faut que je désactive ce compte. J'ai trop dit de la merde et dévoilé ma if de con. Tu fais pareil dans ton rap. Certes, mais je maîtrise le compte. Je réfléchis avant de lâcher un son. Et c'est ça qui me sauve. Qui te sauve? Ouais, sauve. Faire des publis à chaud, c'est loin d'être le best move. En plus, y'a des enculés qui en profitent pour être mauvais. Qui en a quelque chose à foutre, hein? Et toi, Poufias? À part tes faux culs de potes qui s'occupent de ta carcasse. Est-ce que tu crois que ces salopes te sortiront de la chiasse? Tu me connais pas, reste à ta place ou dis les choses en face. J'ai plus de rime et j'ai soif, je me bois une bière de Mathias. Brasserie des Buissons. J'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va, pour gratter ces pages qui tapent, ma gueule. Eh, tu sais quoi, oui, tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. Eh, mais j'ai soif, tu mettras du sirop pour moi, c'est le cépage qui va, pour gratter ces pages qui tapent, ma gueule. Eh, tu sais quoi, oui, tu sais, je fais le pirate, comme sur mes amygdales, je me lâche comme un animal, ma gueule. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur ce petit titre qu'on vient d'écouter là? Oh oui. Alors, bah la prod, déjà j'aimais bien l'ambiance qui m'incitait à dévoiler beaucoup de choses. J'étais dans un moment ultra anxieux, donc ça parle beaucoup de ça. Un moment de doute aussi par rapport aux gens qui jugent beaucoup. Des gens que quand tu les vois, tu fais un concert devant eux, ils restent à 10 mètres et ils te regardent en jugeant. Ou alors, ils viennent te casser les couilles pour te critiquer alors que tu leur as rien demandé. Ce genre de personnes. Et ouais, c'était un peu un mélange de tout ça. Puis d'alcoolisme aussi. Mais ça, l'alcoolisme, j'en parle souvent. Ce qui est fou, c'est que quand tu le vois sur scène, tu te rends compte que c'est complètement quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression, t'as pas l'impression d'être différent sur scène que dans la vraie vie? Si, je suis un démon sur scène, je laisse vraiment tout ce qu'il y a de pire et de meilleur en moi. J'éjacule sur le public. On vous invite tous à aller, bien entendu, au prochain concert du Fond du Crew. Vous pourrez retrouver Drex. Venez goûter la sauce spéciale du Fond du Crew. Salade tomate-oignon. La crème fouettée. Oh. De la poudre de lait. Ouais, non. Ouais. Bref. Et si on finissait sur un petit freestyle? Bah ouais. pétasse. On dirait que t'as oublié qu'on va tout scanner. L'autre fils de pute qui nous emmerde, il était pas né. Ça n'empêche que tout était déjà planifié. Tout pour nous gratifier de merde et laisser Satan nous aspirer, c'est bon. On est des millions à les cramer dans leur putain de pâte à crêpes. On est les grumeaux, passe un coup de plumeau avant que je n'ai plus de mots, s'il te plaît. Votre fréquence, j'ai du mal à la capter. Trop de haine à cracher, tous les jours un peu plus fâché. Fuck, fuck, tout type de facho, bientôt plus rien à mâcher. On vous fait marcher, du coup vous marchez. Vous criez liberté comme si elle vous entendait parler. Et l'autre pute qui veut nettoyer les tchèques au Karcher, j'en ferai de la bouffe cachère, pas cher, salope. Ça va chatte en escalope, ça passera jamais. Mais dans tous les cas, ça sera de la merde. Ouais, ouais, ouais. C'est pas parce que tu prends un air maligne que t'es moins conne. Comme Miyagi, je pense de plus en plus acheter un gun. Comme un doudou, je suis vraiment pas yam si je perds mon fun. Je fais tout avec les yeux comme ce combattant de pawn. Je finirai alone mort en attendant la mort. Hors de mon corps, je serai toujours un porc, constatant que tu dors fort. C'est mon triste sort, c'est mon triste sort. J'attendrai, j'accepterai tout ce qui se passe dans ce petit jeu gore. Mais en travers de la jeu gore, toujours cette même question. Pourquoi naître pour se faire péter le fion? Ouais, par ces fils de riches avec leur projection de mes d'éjection, une projection, scatophile défense, bah ouais, c'est ma protection. J'associe la France avec la meilleure des prisons, même si nous les méprisons. Ça manque de correction, MC Connexion. Eh hey, hey. Eh. Merci pour ce petit son, Drex. Eh bien, de rien. Je suis fan de ce qu'il fait, voilà. Merci. C'est tout. C'est gentil. Bah, du coup, il est temps de se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Et non, adieu. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Eh ben, merci. Quand tu dis tous les deux, c'est les deux qui sont en moi ou moi et Lia? Bah, j'aurais dit trois pour toi, du coup. Oula, oh, tu peux rajouter des zéros, hein. Oui, oui. 3000. Je pense qu'on est 666 environ là-dedans. Oh, il y a toute une nation entière, toute en fait. Toute une nation de démons prêts à te dévorer l'âme. Bah, Lia, merci de nous avoir rejoints. Ça donnait un peu plus de dynamique à cette émission. Ah, je sais pas. Si, si. Merci, avec plaisir. Bah, du coup, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, c'était cool. Non. Je te souhaite joie, bonheur, joie, bonheur, joie, bonheur, paix de licorne et arc-en-ciel. Noël. Oh, paix de licorne et arc-en-ciel, bof. Ouais. Je trouve ça pas mal. Je te vois bien avec un petit tatouage. Paix de licorne et arc-en-ciel. J'ai bien envie de boire une bière, un petit picon. Allez. Tu payes ton picon, Laura? Pourquoi pas? Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission de Tour de vous. En attendant, prenez soin de vous. Autour c'était Laura. Vous, bye tout le monde. Autour de vous.